بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سورة الروم. سورة الروم qui traduisent par les Romains. في المسألة التاسع وثلاثين بعد المئة. 139e مسألة. في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا. Lorsque dans le sens Allah est dit et tourne ton visage pour la religion pure, purement monothéiste. Hani al-Hanifa ou al-Hanifiya. Verset 30. قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا خطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى بعده منيبين إليه واتقوه. فقوله منيبين إليه حال من ضمير الفاعل المستتير في قوله فأقم وجهك والواقع على النبي. Donc cette parole tourne ton visage vers la religion pure, al-Hanifiya, c'est un discours qui est propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant dans le même verset par la suite, Allah azza wa jal, ou plutôt le verset d'après, il dit munibina ilayhi, c'est-à-dire en revenant, c'est-à-dire vous au pluriel, à lui et craignez-le. Donc cette parole-là, de fait de revenir à lui qui est un hel, en arabe un hel, qui vient pour décrire une situation lors de l'accomplissement de l'action, là il est venu à la forme du pluriel. Alors qu'avant, dans le verset, Allah Azza wa Jal s'exprime pour son prophète seul. Et le hel, forcément, en langue arabe, suit ce à quoi il est attribué. Et là, la chose à laquelle il était attribué à la base, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, c'est venu au pluriel. Et également, il dit « Wattakuhu » et « Craignez-le ». C'est venu au pluriel. Donc, comment cela se fait ?« Qala fa takrir al-ma'na fa aqim wajhaka ya nabiya Allah sallallahu alayhi wa sallam fi hal kounikum munibina ilayhi » C'est-à-dire, tourne ton visage vers... tourne, ou plutôt... Tiens-toi, on dira plutôt comme ça. Moi, j'ai mal traduit. On dira plutôt « Tiens-toi de façon sincère sur la religion pure ». Traduira comme ça, c'est plus proche. Plutôt que « Tourne ». Tiens-toi sincèrement sur la religion pure. Ô prophète d'Allah, taïeb, mais par la suite, tout en étant dans une situation que vous reveniez vers lui, vers Allah Azza wa Jal. Allez, c'est dire à traduire un hel dans cette phrase-là. Désolé, ça peut paraître comme ça un peu confus, mais je n'ai pas trouvé de traduction adéquate. Et Ani, toujours est-il que, en fait, Allah Azza wa Jal, dans le verset, il parle à son prophète, au singulier. Et à la fin du verset, le lien revient à un pluriel. Naam. Donc il dit. الجواب أن الخطاب الخاص بالنبي يعم حكمه جميع الأمة فالأمة تدخل تحت خطابه صلى الله عليه وسلم فتكون الحال من الجميع الداخل تحت خطابه. Tout simplement que le discours, même quand il est propre au prophète صلى الله عليه وسلم, son jugement est général et concerne toute la Ummah. Donc tous sont concernés par ce discours. D'accord ? Cet ordre qui a été donné au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, en particulier dans le terme employé, est un jugement qui est général pour toute sa communauté. ونظير هذه الآية في دخول الأمة تحت الخطاب الخاص به صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. Donc également, il y a d'autres versets qui vont dans le même sens, qui prouvent cette règle-là, que Allah Azza wa Jal parle à son prophète au singulier, et par la suite, le jugement devient général pour toute la Ummah. Comme dans le sens où est-ce qu'il dit ô toi le prophète, si vous divorcez des femmes. Donc au début, il parle ô toi le prophète, et après avec un verbe au pluriel. Surat Talaq, le divorce, verset 1. Donc, Azadik. قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ثم قال إن الله كان بما تعملون خبيرا. Également dans le sens où Allah dit ô toi le messager, crains Allah. Au début du verset. À la fin du verset, il dit que certes Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Certes, Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. Donc là, ça revient à quoi ? À un discours qui commence pour prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui en réalité est tourné vers toute sa communauté par la suite. Et le verset d'avant, ça c'était Sourate Al-Ahzab, verset 2. Le verset d'avant, que je n'ai pas traduit, lorsque Allah dans le sens, il dit « Ô toi le messager, pourquoi donc te rends-tu illicite ce que Allah t'a rendu illicite ?» Et à la fin du verset, il dit que certes Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Donc au début, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam seul, et à la fin, il dit, il parle au pluriel. En disant que Allah vous a prescrit comment vous alléger de vos serments. Donc cela concerne quoi ? Toute la Oumma. Et il cite différents versets alors dans le même sens. Où il commence, où il débute le verset en parlant à son prophète, au singulier, et au final, le verset finit par un pluriel qui concerne toute la Oumma. Ala shay ma'loum, wa ala shay mawjoud fil Qur'an, wa ala uslub. قرآني رباني قال ودخول الأمة في الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ومذهب الجمهور وعليه مالك وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله تعالى خلافا للشافعي. Et que là il cite que le fait que toute la communauté soit concernée par le discours qui est spécifique au prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, cela c'est le madhhab, l'avis de la plupart des ulama, comme Malik, comme Abu Hanifa, comme Ahmed, qu'Allah leur fasse miséricorde. Par contre, Shafi'i, lui, n'est pas de cet avis-là. Après, il n'a pas cité le détail sur cette question. Wallahu ta'ala alam, wa alhamdulillahi rabbil alamin.